Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, quatrième traité, troisième paragraphe. Marie, bienfaitrice de l'Église, intercédant pour nous auprès de Dieu, apaisant sa colère, et nous obtenant des grâces. L'apôtre saint Paul nous fait remarquer que notre divin Rédempteur non content, pour ainsi dire, d'avoir versé son sang pour opérer l'œuvre de la rédemption, s'est élevé au ciel, afin d'y plaider notre cause en présence de la justice divine irritée contre nous, voir Hébreux 9, 24 et 7, 25. Il demeure au ciel, afin d'en appeler sans cesse en notre faveur à la divine clémence. C'est pour cela, disent quelques interprètes, qu'il voulut conserver sur son corps glorieux les marques de ses plaies, des blessures cruelles qu'il souffrit pour notre amour, c'est, dis-je, afin de les montrer à son Père indigné contre nous, et par ce spectacle apaiser sa colère et nous le rendre propice. Oh, qui pourrait dire combien de fois, tandis que nous livrons nos mains à de criminels plaisirs, Jésus tend les siennes vers son Père pour nous obtenir miséricorde. Combien de fois, tandis que nous courons vers l'iniquité, Jésus montre à son Père ses pieds percés par amour pour nous. Combien de fois, tandis que nous couvons dans le cœur des haines, des jalousies, des intentions perverses, Jésus fait voir son cœur percé et entr'ouvert par amour pour nous. Voilà précisément ce que fait proportionnellement Marie. Comme son divin Fils, elle a été élevée au ciel afin d'intercéder en notre faveur auprès de la divine justice. Vous avez, Seigneur, c'est l'Église qui parle, messe de l'Assomption, enlevez Marie de ce monde afin qu'elle implora avec plus de confiance le pardon de nos péchés. Ô combien de fois Marie exerce en notre faveur cet office de piété, combien de fois, tandis que nous irritons la colère divine par nos péchés, elle s'interpose, comme l'arc-en-ciel, afin de l'apaiser et d'empêcher par là que le genre humain tout entier ne soit exterminé. Malheur au monde, dit saint Bernard, si Marie n'intercédait pour lui, qu'en serait-il maintenant? Enlevez le soleil, que devient le monde? Un séjour de ténèbres et d'horreur, rien de plus. Enlevez Marie, que nous reste-t-il? Nous ne voyons plus qu'une obscurité affreuse, une ombre de la mort, les ténèbres les plus épaisses, sermon de la nativité de Marie. L'aqueduc. Plus d'une fois, si Marie ne s'était entremise, l'univers eût été détruit. On rapporte que c'est ce qui devait arriver une fois entre autres au commencement du 15e siècle. Le Tout-Puissant indigné contre le monde voulait l'exterminer, mais Marie intervint et supplia le juge suprême de vouloir bien adoucir sa sentence. Parce qu'elle avait envoyé deux hommes pour purger la terre des crimes qui la couvraient, ces hommes furent saint Dominique et saint François d'Assise. Combien de fois cette auguste Vierge n'a-t-elle pas pris soin d'éteindre les schismes, les séditions qui désolaient l'Église et la menaçaient des derniers malheurs? Combien de fois n'a-t-elle pas pris l'Église sous sa protection? Alors qu'elle était attaquée par ses ennemis, et spécialement par les musulmans, que Dieu suscita dans sa fureur, pour punir les péchés de son peuple, sans Marie, peut-être nous aurait-il maintenant exterminés, et se seraient-ils emparés du centre de la religion, qui est Rome, comme déjà depuis longtemps ils se sont emparés de son berceau, qui est Jérusalem. Que ce soit réellement Marie, qui, dans ces circonstances périlleuses, s'est interposée auprès du Très-Haut, nous en avons la certitude en voyant ce qu'a fait l'Église, toujours guidée par le Saint-Esprit, pour témoigner sa gratitude à cette auguste bienfaitrice, et l'institua, dans chacune de ces circonstances, quelques fêtes en l'honneur de la très sainte Vierge, afin que les enfants de l'Église catholique fissent au moins une fois l'an mention spéciale du bienfait reçu par son entremise. Ce qu'on ne peut nier en aucune manière, c'est l'événement mémorable et tout à fait miraculeux, qui s'est passé sous nos yeux, in officiis auxilium Christianorum, Notre Dame auxiliatrice. Le souverain pontife Pie VII avait été fait prisonnier, enlevé de son siège, et enfermé sous bonne garde, en sorte qu'il semblait impossible que plus jamais la chrétienté revît son chef et son pasteur, mais par un bienfait manifeste de Dieu. La tempête par deux fois venant à cesser tout à coup, par deux fois aussi le retour glorieux du chef de l'Église à Rome, répand l'allégresse parmi les fidèles et le désespoir parmi les ennemis du non-chrétien, qui voient s'évanouir leurs efforts les plus formidables, sans connaître eux-mêmes la cause de leur désastre. Ils ne savent pas quel puissant rempart l'Église trouve dans Marie, mais les fidèles catholiques le savent bien, nous le savons, nous enfants de la Sainte Église, nous, qui, au milieu des plus épouvantables tempêtes, nous sentons sensiblement soutenus et protégés par le Tout-Puissant et par la puissante Vierge sa Mère. Nos descendants le sauront également, ils le verront par expérience dans les persécutions auxquelles l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, sera encore sujette à l'avenir. Je ne m'arrête pas davantage à rappeler les faveurs que l'intercession de Marie a obtenues, tant à l'Église universelle, qu'aux membres particuliers qui la composent. Et qui jamais pourrait les énumérer? Seulement je prie tous les fidèles de l'Église catholique de chérir tendrement cette toute-puissante protectrice des chrétiens, de lui être reconnaissant pour tant de bienfaits mérités par son entremise, afin de se rendre digne d'en recevoir de nouveau par la suite. Je terminerai ce paragraphe, et cette première partie de l'ouvrage, par les paroles de Saint Bernard. Vénérons Marie de toutes les forces de notre esprit, de toutes les affections de notre cœur, et de toute l'ardeur de nos vœux, parce que telle est la volonté de Dieu, qui a voulu que tous les biens nous fussent accordés par son entremise. Telle est la volonté de Dieu, mais c'est pour notre avantage. Le Très-Haut voulant pourvoir à toutes nos misères, nous fortifie contre la crainte, excite notre foi, affermit notre espérance, bannit nos défiances, relève notre pusillanimité. Vous trembliez de vous approcher de votre Père outragé, au seul son de sa voix, at folia fugiebas, vous vous empressiez de vous cacher, c'est pourquoi il vous a donné Jésus-Christ pour médiateur. Que n'obtiendra pas un tel fils auprès d'un tel Père, il ne pourra manquer d'être exaucé, à raison de sa dignité, puisque le Père céleste aime son divin Fils. Mais vous craignez peut-être encore de vous approcher de lui, c'est votre frère et votre chair, éprouvé par toutes les misères humaines, au péché près, afin de se rendre compatissant envers vous, Hébreux 2, 17. Ce frère, c'est à Marie que vous le devez, mais peut-être redoutez-vous encore en lui l'éclat de la majesté divine, car bien qu'il se soit fait homme, il ne laisse pas d'être Dieu. Voulez-vous une avocate auprès de Jésus lui-même? Recourez à Marie. Dans Marie, vous ne trouvez que l'humanité, pure créature. Et je l'affirme sans hésiter, elle aussi sera infailliblement exaucée à raison de sa dignité. La mère sera exaucée du fils, et le fils sera exaucé du père. Voilà, mes frères, l'échelle que le Seigneur présente aux pauvres pécheurs. Saint Bernard l'Aqueduc, numéro 7. Mon frère, je termine cette partie, Répondez maintenant à la question que je vous adresse. Qu'est-ce que Marie? Avez-vous appris à la connaître? Vous en êtes-vous formé quelque idée? Je ne dirai pas une idée parfaite, c'est chose impossible à tous, excepté à Dieu seul, qui la connaît pleinement, mais une idée aussi exacte que possible? Vous êtes-vous appliqué à connaître combien Marie est bonne, combien elle aime à vous secourir, combien elle s'intéresse à votre sort, combien elle est désireuse de votre salut éternel? Ai-je réussi à vous la faire connaître de quelque manière? Avez-vous conçu pour cette bonne mère la confiance la plus vive, la plus filiale? Votre cœur s'est-il épris d'amour pour elle? Que dites-vous? Vous ne répondez pas? Croiriez-vous peut-être que ce que j'ai dit jusqu'ici de Marie ne soit pas exact? Quoi qu'il en soit, si vous croyez que j'ai dit vrai, vous ne pourrez, je pense, me refuser la grâce que je vous demande. Devinez-vous quelle est cette grâce? Je vous le dirai, c'est que vous vous déclariez pour Marie, que vous mettiez en elle toutes vos espérances, que vous abandonniez votre cœur entre ses mains. Si vous croyez faux tout ce que j'ai avancé, à la suite des docteurs les plus respectables de l'Église, je consens à subir la honte d'être tenu pour un imposteur, mais vous ne pourrez pourtant pas me refuser une autre grâce que je vous demanderai. La grâce que je désire, la voici, c'est que vous suspendiez votre jugement, que vous n'ajoutiez foi à aucune de mes assertions, que vous ne prêtiez votre assentiment à aucun mot sorti de ma plume, mais que vous vous assuriez du tout par votre propre expérience. Recourez à Marie, mais recourez-y avec une entière confiance, dans tous vos besoins. Si elle vous accueille avec douceur et bienveillance, si elle vous exauce, si elle vous protège, si elle vous obtient les grâces que vous pouvez raisonnablement lui demander, vous ne pourrez dans ce cas refuser votre assentiment à ce que j'ai dit jusqu'à présent. Que si vous la trouvez autre que je l'ai décrite, je consens alors à passer pour un imposteur et un séducteur. Oui, ô Marie, je le proclame en votre présence, et avec une pleine assurance, que celui-là taise à jamais vos miséricordes, qui, vous ayant invoqué dans ses besoins, vous aurez trouvé en défaut. Saint Bernard, sermon 4 de l'Assomption. Pour moi, je ne pourrai cesser de les publier. La reconnaissance m'impose la plus étroite obligation de célébrer à jamais vos faveurs et vos miséricordes. Misericordias, tuas, in eternum cantebo. Psaume 88, 2. Amen, amen, amen. Fin de la première partie. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.